Chapitre 5e, le premier discours de Frank Gresham. Nous avons dit qu'outre les personnes déjà réunies au château, d'autres convives vinrent pour le dîner. C'était d'abord M. et Mrs. Jackson de la Grange, M. et Mrs. Bateson d'Ansgrove et Miss Bateson, leur fille, demoiselle d'à peu près 50 ans, les Baker de Mill Hill, le père et le fils, M. Caleb Oriel, le recteur et sa sœur, la charmante Patience Oriel. Nous comptons le docteur Thorne et sa nièce parmi les personnes déjà réunies au château. Le nombre des invités appelés à rendre hommage au jeune héritier n'était pas, comme on le voit, très considérable. C'est peut-être ce qui fit qu'il eut plus à payer de sa personne que si la moitié du comté eût été de la fête. Dans le dernier cas, Frank n'aurait eu qu'à balbutier un discours ou deux à l'adresse de tous. Mais dans le cas actuel, il avait un mot aimable à adresser à chaque personne en particulier, obligation qu'il ne trouvait rien moins qu'amusante. Les Bateson, les Baker et les Jackson furent, on ne peut plus polis, dans la crainte sans doute qu'on ne pût attribuer le moindre oubli de leur part à la situation embarrassée du Squire. 14 000 livres sterling de rente sont, en général, parfaitement reçus, et l'homme qui les possède, en réalité, doute rarement de l'accueil qu'on lui fera dans le monde. Mais celui qui n'en possède que le vin fantôme n'a pas tout à fait la même assurance. Avec sa fortune médiocre, M. Baker était réellement plus riche que le Squire. C'est pour cela qu'il mettait tant d'empressement à féliciter Frank du brillant avenir qu'il avait devant lui. Le pauvre Frank n'avait pas la moindre idée de ce qu'il attendait, et avant que le dîner fût annoncé, il en avait déjà par-dessus la tête. Il n'avait pour les grandes dames ses cousines que juste la mesure d'affection voulue. Oubliant sa naissance et sa position, il avait espéré s'esquiver après le dîner avec Mary Thorne ou avec Patience Oriel, qui occupait la seconde place dans son cœur. Quelle fut donc sa consternation lorsqu'après avoir passé une demi-heure avant le dîner à faire l'aimable, il se vit forcé de donner le bras à la comtesse et de prendre la place de son père au bas de la table pour ce jour-là. « Il dépend tout à fait de vous maintenant, Frank. » de maintenir ou de perdre la position distinguée que les Gresham ont toujours occupée dans le comté, lui dit sa tante en traversant l'immense salle à manger, car elle était décidée à ne pas laisser échapper l'occasion de faire à Frank la leçon dont il était si important qu'il fût pénétré. Frank reçut cette petite admonition comme toutes celles que les malheureux neveux sont condamnés à recevoir de leur vieille tante. « Certainement, ma tante, je le suppose bien. » « Vous verrez, quand je retournerai à Cambridge, je travaillerai d'arrache-pied. » Sa tante se souciait bien de Cambridge. Ce n'était pas en travaillant que les Gresham de Greshamsbury avaient pu lever si haut la tête dans le comté, mais bien grâce à leur fortune et à leur naissance. Le rang revenait de droit à Frank, mais pour la fortune, il devait la trouver lui-même. Lady de Courcy comptait bien l'aider dans ses recherches. Il ne doutait pas qu'elle ne pût découvrir pour son neveu une femme avec une dot digne de son rang. Quant à ses études, elle ne pouvait en aucune façon lui venir en aide, soit que son goût le poussât à préférer des livres ou des tableaux, des chiens ou des chevaux, de vieilles porcelaines ou la culture des navets. « Vous retournez donc à Cambridge ?» lui dit-elle. « Si votre père le désire, c'est bien, mais je n'en vois pas la nécessité pour vous. » « Je prendrai mes grades au mois d'octobre, ma tante, et je suis bien décidée à ne pas faire fiasco. »« Fiasco ? » ?»« Non, certainement. Baker a échoué l'année dernière, et cela simplement parce qu'il fréquentait une mauvaise société. C'est un excellent garçon quand on le connaît, mais il passait tout son temps avec des jeunes gens qui ne font que fumer et boire de la bière. Il a donc fait fiasco, et je ne veux pas faire comme lui. » La conversation en était là, quand tout le monde se trouva assis autour de la grande table. M. Gresham prit la place qu'occupait ordinairement Lady Arabella. Cette dernière s'assit à gauche de son fils et la comtesse à sa droite, de sorte que si le malheureux venait à broncher, ce n'était pas faute de bon mentor. « Un peu de bœuf, ma tante, » dit-il, aussitôt qu'on eut enlevé le potage et le poisson, tant il était désireux de remplir les devoirs que lui imposait l'hospitalité qu'il pratiquait pour la première fois. « Ne soyez pas si pressé, Frank, » lui dit sa mère, « les domestiques. » « Ah, c'est vrai. J'oubliais les côtelettes et toutes les entrées. Mais je ne suis nullement au fait de tout cela, ma tante. Je vous disais donc à propos de Cambridge. « Est-ce que Frank retourne à Cambridge, Arabella ?» dit la comtesse à sa belle-sœur. Son père paraît le désirer. Mais c'est une perte de temps. Vous savez que je ne me mêle jamais de ces choses-là, répondit Lady Arabella. Pour ma part, je n'aime pas Cambridge. Tous les deux Courcy ont été à Oxford, mais il paraît que les Gresham ont toujours été à Cambridge. Ne vaudra-t-il pas mieux le faire voyager? Certainement, mais vous savez que je ne me mêle jamais de rien. Si vous en parliez vous-même à M. Gresham. La comtesse sourit dédaigneusement et fit un signe négatif. Ce sourire voulait dire « Le squire est si entêté, si ignorant, si sot, qu'il est aussi inutile de lui parler que de prêcher dans le désert. » Frank le comprit parfaitement, car il se dit en lui-même « Ma mère et ma tante tombent toujours sur mon pauvre père, mais plus elles en diront, plus je le soutiendrai. Je passerai mes examens, et dès demain je me mettrai ferme à l'ouvrage. » Puis il ajouta tout haut « Voulez-vous du bœuf maintenant ?» La comtesse était très désireuse de continuer sa morale, mais entourée comme elle l'était d'étrangers et de domestiques, elle ne pouvait pas lui dire « Franck, votre seule planche de salut est d'épouser une dot. » Elle le pouvait d'autant moins que Franck était debout, occupé à découper. Elle fut donc obligée de garder le silence. « Un peu de bœuf, Harry ?» cria le jeune héros à son ami Baker. « Oh, mais je vois que ce n'est pas encore votre tour. Pardon, Miss Bateson. » Et il fit passer à cette demoiselle une énorme tranche de bœuf. Avant le dîner, le pauvre Frank s'était vu obligé de répondre par de petits speeches à tous les compliments que lui adressaient ses amis. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qu'il attendait lorsque la nappe serait enlevée. Quelqu'un se lèverait pour boire à sa santé, puis un profond silence succéderait à de bruyants éclats de voix, et il se trouverait seul debout, appelé à répondre à ce toast, tandis qu'il verrait la chambre tourner autour de lui. On l'en avait averti. Il avait donc demandé avis à son cousin, l'honorable George, qui, à ce qu'il prétendait, avait une grande facilité d'élocution. « Que diable voulez-vous que l'on puisse dire, George, quand on se trouve là, debout, tout seul ?»« C'est la chose la plus facile du monde, » lui dit son cousin. « Seulement, rappelez-vous bien qu'il ne faut pas vous égarer. » C'est ce qu'on appelle conserver sa présence d'esprit. Quand je suis obligé de faire un speech, et cela m'arrive souvent dans nos réunions d'agriculture, je bois toujours à la santé des filles des fermiers, puis j'ai bien soin de tenir les yeux fixés sur une bouteille. « Sur une bouteille ? » s'écria Frank. « J'aimerais mieux prendre pour point de mire quelques vieilles têtes chauves. Je n'aime pas avoir les yeux fixés sur la table. » « La vieille tête pourrait bouger, et alors vous seriez dérouté. D'ailleurs, il n'est nullement nécessaire de regarder en l'air. J'ai souvent entendu dire à des personnes qui fréquentent ce genre de dîner que quand quelque chose dit quelque chose de spirituel, on peut être sûr qu'il regarde la table. « Pour moi, je ne dirai rien de spirituel, ce sera tout le contraire. Je ne vois pas cependant pourquoi vous n'apprendriez pas comment cela se pratique. C'est comme cela que j'ai réussi. » Regardez une bouteille, mettez les pouces dans les poches de votre gilet, écartez vos coudes, pliez un peu les genoux et abordez franchement le sujet. Vous en parlez bien à votre aise, mais ce n'est pas facile à faire. C'est bien peu de choses, cependant. Votre discours n'est rien, après tout. Que serait-ce si vous en aviez un à faire tous les ans sur les filles des fermiers? Il y a de quoi épuiser le cerveau. Mais voyons, comment commencerez-vous? Vous leur direz d'abord que vous n'êtes pas habitué à parler en public, que vous êtes très touché de l'honneur qu'on vous fait, que les beautés qui vous entourent vous paralysent la langue, puis vous finirez par leur déclarer que vous êtes un Gresham jusqu'à la moelle des os. Oh, ils le savent déjà. Eh bien, répétez-le leur, puis ajoutez quelque chose sur notre famille, sinon la comtesse ne vous le pardonnera pas. Comment ? Vous voulez que je parle de ma tante, George ? Et que puis-je dire quand elle est là, présente ? C'est justement parce qu'elle est présente. Dites le premier mensonge qui vous passera par la tête, mais il faut absolument parler de nous. Vous savez que nous avons fait le voyage tout exprès pour vous. » Malgré tout l'avantage que Frank pouvait retirer des conseils de ses cousins, il ne put s'empêcher de souhaiter intérieurement qu'ils fussent tous restés chez eux. Il remercia l'honorable John, et quoiqu'il ne fût pas complètement rassuré, il commença à espérer que les choses n'iraient pas aussi mal qu'il l'avait craint d'abord. Cependant, le cœur fut sur le point de lui manquer lorsqu'après le départ des domestiques, M. Baker se leva pour proposer de boire à sa santé. Ce départ n'était que nominal, car dans le fait, tous les domestiques étaient présents, hommes et femmes, bonnes, cuisinières, femmes de chambre, cochers, palefreniers et valets, tous se pressaient aux deux portes de la salle pour entendre le discours de M. Frank. La vieille femme de charge se tenait d'un côté à la tête des femmes et s'était même avancée hardiment dans la salle, tandis que de l'autre, le sommelier, un tire-bouchon à la main, s'efforçait de maintenir les hommes dans le respect. M. Baker parla peu, mais ce qu'il dit fut parfait. Ils avaient tous vu grandir Frank et ils s'étaient réunis, dit-il, pour rendre hommage à ce jeune homme appelé à soutenir l'honneur de cette famille si aimée et si respectée. Frank, ajouta-t-il, était un Gresham de la tête aux pieds, mais il omit de parler de l'illustre alliance des deux Courcy. La comtesse se redressa sur sa chaise comme une personne offensée. M. Baker fit ensuite allusion à son ancienne et sincère affection pour le Squire et se rassit en souhaitant au jeune Frank la santé, une longue vie de prospérité et une bonne femme. Ce petit discours fut suivi d'un grand bruit de voix et de verres qui s'entrechoquaient. Il est rare que les femmes soient présentes dans ces occasions. Aussi, lorsque cela leur arrive, en jouissent-elles doublement. « Dieu vous bénisse, Frank, à votre santé. Une bonne femme, Frank, je vous en souhaite deux ou trois. Monsieur Gresham, je bois votre santé et votre prospérité. Que Dieu vous garde et vous conduise, mon cher enfant. » Puis, une petite voix claire et joyeuse se fit entendre à l'autre bout de la table. Frank, regardez-moi, je vous en prie. Je bois votre santé avec du vin tout pur, n'est-ce pas, papa? Telles furent les exclamations qui accueillirent M. Frank Newbold Gresham fils lorsqu'il essaya de se tenir debout pour la première fois depuis qu'il était promu à la dignité d'homme. Lorsque le bruit fut apaisé et qu'affermi sur ses jambes, il jeta un regard sur la table pour trouver un point de mire. Il n'aimait pas l'idée d'une bouteille, sentant néanmoins que dans ce moment suprême il lui fallait un système quelconque, il en chercha une, et par malheur, quoique la table en fût couverte, il n'en découvrit pas une seule. À vrai dire, tout tournait autour de lui et les convives paraissaient danser sur leurs chaises. Cependant, il fallait bien commencer. Et puisqu'il ne pouvait suivre à la lettre les préceptes de son cousin, il se souvint de son idée à lui et se mit à regarder fixement le docteur. « Je vous suis infiniment obligé, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, je veux dire, de m'avoir fait l'honneur de boire à ma santé. Très obligé, je vous l'assure. Particulièrement à M. Baker. Je ne parle pas de vous, Harry, vous n'êtes pas M. Baker. » Tout autant que vous êtes M. Gresham, mon ami Frank. Mais je ne suis pas M. Gresham, et je n'ai pas l'intention de l'être d'ici à longtemps, du moins pas avant que nous ayons une autre majorité à célébrer. Bravo, Frank, et de quelle majorité voulez-vous parler? De celle de mon fils. Et ce sera un bien beau garçon qui vous fera, je l'espère, un meilleur speech que son père. M. Baker vous a dit que j'étais un vrai Gresham, et je l'espère bien. À ces mots, la figure de la comtesse prit une expression de mauvaise humeur. Et j'espère aussi ne jamais voir le jour où mon père ne me reconnaîtrait pas comme tel. Il n'y a pas de danger, dit le docteur, qui commençait à se sentir mal à l'aise sous le regard fixe de notre orateur. La comtesse avait l'air de plus en plus rechignée, et elle murmura quelques mots à propos du tohu-bohu qui se faisait autour d'elle. Gardez Gresham. Harry, rappelez-vous cela lorsque je serai à vos trousses à la chasse. Je vous suis vraiment bien reconnaissant, messieurs et mesdames, de l'honneur que vous m'avez fait, particulièrement à ces dames qui s'abstiennent ordinairement en pareil cas. À mon avis, elles devraient toujours être présentes, n'est-ce pas, docteur? Je ne dois pas oublier, en parlant de ces dames, de remercier ma tante et mes cousines, qui sont venues tout exprès de Londres pour entendre ce speech. Vous conviendrez qu'il n'en valait guère la peine, ce qui n'empêche pas de leur en savoir autant de gré, ajouta-t-il en adressant un salut à la comtesse. Je dois aussi exprimer ma reconnaissance à M. et Mrs. Jackson, à M. Mrs. et Miss Bateson, à M. Baker. Je ne vous suis nullement obligé à vous, Harry. à Monsieur et à Miss Auriel, à Monsieur Humbleby, au docteur Thorne et à Marie. Je vous demande pardon, je veux dire Miss Thorne. » Puis il se rassit au milieu des applaudissements des invités et d'un concert de bénédictions des domestiques. Les dames se levèrent alors pour quitter la salle. Lady Arabella déposa un baiser sur le front de son fils, ses sœurs l'embrassèrent, ainsi qu'une ou deux de ses cousines, puis Miss Bateson lui donna une poignée de main. « Oh, Miss Bateson, dit-il, j'espérais que la cérémonie ne serait pas interrompue. » Elle sourit et passa outre. Patience Auriel lui fit un signe de tête amical, et Mary Thorne, presque perdue derrière les amples jupes des grandes dames, osa à peine lui jeter un coup d'œil. Frank se leva pour tenir la porte pendant que les dames sortaient et réussit à prendre la main de Patience Auriel qu'il pressa un instant. Ce n'était qu'un prétexte pour prendre celle de Marie, mais son espoir fut trompé, Marie fut plus alerte que lui. « Frank, dit M. Gresham en faisant une place à côté de lui, « apportez votre verre ici. La cérémonie est terminée, vous pouvez quitter votre place d'honneur. » Frank s'assit à côté de son père, qui lui posa affectueusement la main sur l'épaule, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. « Je crois que le docteur a raison, Baker, dit-il. Nous n'aurons jamais à rougir de lui. »« Non, je ne le pense pas, dit M. Baker. « Non, j'en suis bien sûr, dit le docteur. » Le ton avec lequel s'exprimaient ces deux hommes était essentiellement différent. Pourquoi M. Baker se serait-il intéressé vivement à Frank? N'avait-il pas un fils, comme le Squire, et ce fils n'était-il pas tout pour lui? Mais pour le docteur Thorne, c'était autre chose. Et bien qu'il eût une nièce qu'il affectionnait aussi sincèrement que ces messieurs affectionnaient leur fils, il n'y avait pas moins place dans son cœur pour Frank Gresham. Ils restèrent quelques instants silencieux, mais le silence n'était pas l'élément de l'honorable John. « C'est un joli cheval que vous avez donné à Frank, » dit-il à son oncle. « Je le regardais avant le dîner. C'est un monsoon, n'est-ce pas ?»« Je ne saurais vous dire au juste où il a été élevé, » répondit le squire. « Et il montre pas mal de races. »« C'est un monsoon, j'en suis sûr. Ils ont tous les oreilles comme lui et la même courbe des reins. Vous avez dû le payer cher. »« Pas trop. »« Il est dressé pour la chasse, je suppose. » « S'il ne l'est pas, on l'aura bientôt dressé, » dit le squire. « Frank s'en chargera bien, » dit Harry Baker. « Il saute admirablement, » dit Frank. « Je ne l'ai pas essayé moi-même, mais ce matin, Pierre l'a fait sauter deux ou trois fois par-dessus la barrière. » L'honorable John était décidé à venir au secours de son cousin, comme il le disait. Il le trouvait fort malheureux d'être aussi mal monté, et croyant qu'il n'avait pas assez de courage pour exiger plus de son père, lui, l'honorable John, se décidait à agir pour lui. « On peut en faire un excellent cheval, dit-il. Je n'en doute pas. Je voudrais seulement que vous en eussiez plusieurs comme celui-là. » Frank sentit le rouge lui monter au visage. Il n'aurait pas voulu pour tout au monde que son père pût supposer qu'il n'était pas charmé du cadeau qu'il avait reçu le matin même. Il avait honte de s'être laissé aller écouter les conseils de son cousin. Mais il était loin de s'attendre à le voir aborder un pareil sujet devant son père, et cela en présence de tant de personnes et d'une manière qui pouvait blesser M. Gresham. Il oublia un moment le respect héréditaire qu'il devait aux De Courcy. « John, choisissez un jour un des premiers de la saison. Montez le meilleur cheval que vous ayez, et moi je monterai, non le cheval noir, mais ma vieille jument. Si je ne vous laisse bientôt derrière moi, je m'engage non seulement à vous donner la jument, mais le cheval noir aussi. » L'honorable John n'avait pas la réputation d'un bon écuyer, tant s'en faut. Il aimait passionnément la chasse, mais ce qui lui en plaisait le plus, c'était les préparatifs. Il était le premier à mettre les culottes de peau et les bottes à l'écuyère, possédait toute la nomenclature des termes de chasse, avait une collection de selles et encourageait toute espèce d'invention pour le transport des chaussures de rechange, des sandwiches et des flacons de xérès. Il se faisait surtout remarquer au battu. On trouvait même, et le maître de la meute était de cet avis, qu'il aurait pu s'y faire un peu moins remarquer. Il affectait une grande familiarité avec les chiens et connaissait intimement le cheval de chacun. Mais quand le moment décisif était venu, quand il s'agissait ou de montrer si l'on pouvait courir ou de rester en arrière, alors l'honorable John, au dire du moins de ceux qui n'étaient pas tout à fait les partisans des deux Courcy, alors, disons-nous, l'honorable John se trouvait toujours un des retardataires. Je laisse à penser si les rieurs furent du côté de Frank, que son amour pour son père avait poussé à ce défi. L'honorable John n'était pas accoutumé à parler en public comme son frère, qui était appelé tous les ans à chanter les louanges des filles des fermiers. Aussi fut-il tout décontenancé et ne se permit-il plus la moindre allusion sur la nécessité de donner à Frank plusieurs chevaux de chasse. Mais le squire avait parfaitement compris le sens de l'attaque de son neveu et le sentiment qui avait animé son fils dans sa chaleureuse défense. Lui aussi avait pensé à l'écurie bien montée qu'il avait eue à sa majorité et à la position de son fils, position bien humble en comparaison de celle que lui avait laissée son père à lui. Il pensa avec tristesse à tout cela, mais il eut assez de courage pour cacher à tout le monde que le trait lancé par son neveu avait frappé juste. « Je lui donnerai Champion, » se dit-il. « Il est temps que je renonce à la chasse. » Champion était l'un des deux beaux chevaux de chasse qu'il gardait pour son usage particulier, et l'on jugera du sacrifice qu'il s'imposait quand on saura que les seuls moments de vrai bonheur qu'il connut étaient ceux qu'il passait à poursuivre le renard.